alors j'envoie ma pantoufle dans la gueule de la Palme d'Or 94. Oh, je m'en vais, je quitte le plateau. Moi aussi. Alors on est parti. Pulp Fiction est un puits d'idées génial, à commencer par l'attitude trop cool des personnages, une BO culte et des répliques qui font mouche. Bref, tout ce qui fait un bon film pop. Mais une fois réunis, on se retrouve avec un bordel sanglant de 2h30, fun mais franchement ennuyeux, et qui finalement ne raconte pas grand chose. C'est un tissu de sketch avec des histoires qui ne se télescopent quasiment jamais et sans aucun but. Les dialogues qui cherchent la petite formulation culte absolument sont là en cache-misère de la non-action terrible des personnages de ce film. C'est une suite d'événements, d'histoires indépendantes qui n'apportent rien aux autres. Ce que fait Tarantino est finalement le cauchemar de tout comédien. Il prend d'excellents acteurs pour les faire jouer rien, leur écrire des personnages vides de sens et de but et leur faire réciter un texte tellement improbable qu'il en est devenu culte pour certains. Pour moi, c'est juste un nanar de plus avec un plus beau paquet cadeau. Le problème vient en majorité à une structure scénaristique bancale. Et oui, c'est comme ça quand on crée une œuvre à deux et qu'on finit par virer l'autre par pur excès d'ego, avec à peine un bout de crédit au générique. On se retrouve avec une œuvre puante, aussi fragile qu'un château de cartes en pleine tempête et sans aucune homogénéité. Je me serais arrêté avant. On ne voulait pas te laisser dire voilà. Ah bon, t'as été puni. Voilà. Merci Léa, tu l'as habillé pour l'hiver. Hein. Ouais. C'était la collection automne-hiver de Léa. Tu n'iras plus à Cannes. Et Quentin Tarantino est là. Avec cette régie, hein.